Et pour ça, on va accueillir Marc Assin du sud, 19 ans de Nantes. Tu peux me donner la fréquence, s'il te plaît? Oui, bonsoir Gégé, tout à fait. La fréquence est 109.5. 109.5, ouais. Je te remercie. Pas de problème. Petit piège à loup, 22 ans de Grenoble, tu peux me donner la fréquence? Oui, bonsoir, c'est 108.7. 108.7, ok. Et Carabine, 21 ans de Nice. Bonsoir Gérard. Bonsoir, tu peux me donner la fréquence? La fréquence c'est 91.2. 91.2, je te remercie. Je t'en prie. Monsieur Mazur, 37 ans de Paris, c'est 101.9. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Oui, ben, j'espère que tu vas pas faire comme tu as l'habitude de faire, parce que sinon tu vas gerber vite fait. D'accord? À vos souhaits. Ok. Petit Furet, 13 ans. Salut! Travail, d'accord, toi, à 13 ans, tu vas pas commencer. Quoi? Ta mère a dit des jours. Allez, hop, bon, au revoir pour toi. Terminé. Ça t'apprendra d'être poli, hop. On s'en va, on reprendra quelqu'un d'autre à la place. Hop, ça va plus vite. Alors, la première question, c'est comment organise-t-on une bonne pêche? On va demander ça à Monsieur Mazur. Une bonne pêche. Eh bien, je crois que d'abord, il faut choisir le bon arbre, je dirais. Non, mais je crois que là, t'es en train de te foutre de ma gueule. Mais non. Non, tu prendrais pas le train? Ah, mais explique-lui, Gérard. Gérard, explique-lui. Oui, comment... Ouais, non, mais on va demander à tout le monde et on verra. Donc, carabine. Oui. Je sais pas, je pense qu'il faut que tu prépares tes gaules. Ouais. La veille. Que tu montes tes hameçons. Ouais. J'y connais pas grand chose. Peut-être que tu fasses, c'est quoi, c'est de la pâte, c'est ça? Dans l'eau. Ouais. Et que je sais pas, que t'achètes des vers de terre et puis que tu te lèves tôt et puis voilà. Mm-hmm. Ok. Tu prends une bonne bouteille de rouge et puis voilà. C'est ça, t'as raison. Petit piège à loup. Oui, alors moi je pense que, bon déjà, moi je pêche beaucoup, hein, mais ce que je déteste, c'est pêcher les thons et les morues, hein, c'est pas mes poissons préférés. Mm-hmm. Par contre, alors pour bien pêcher, alors faut avoir une tenue, mais super bien, faut déjà avoir une tenue spécialisée, hein. Bon, évidemment, la canne à pêche, bien tendue, bien raide. Mm-hmm. Et puis voilà, donc avec un petit fil et puis des appâts. Sacré cochon. Gérard, sur IRC, il y a des B1, en fait, ils te demandent de ne pas faire l'amalgame entre l'eau de la pêche et la chasse, donc la chasse d'eau, il faut éviter quoi. Bon, bah, lui, il ne va pas commencer à me prendre la tête. Marc Assin. Ouais, bah écoute, moi je suis pas trop calé en pêche, je suis plutôt branché chasse, donc je m'y connais plus en pruneau qu'en pêche, voilà. Non mais tu peux quand même répondre à la question si ça te dérange pas. Bah écoute, je sais pas, moi je pêche au fusil ou à la dynamite, donc tu vois... Donc, pour avoir des poissons, tu serais prêt à balancer une dynamite dans l'eau, toi? Ouais, mais alors ça, faut pas trop en parler parce que c'est interdit, si je me fais choper par le garde-chasse à balancer des bâtons de dynamite pour pêcher, ça va quand même craindre un maximum. Ouais, ben je pense que si tu t'amuses à balancer des bâtons de dynamite pour avoir un... Ah, mais que ça marche, hein. Marc Assin, s'il te plaît. Ouais. Si t'es prêt à balancer des bâtons de dynamite pour aussi avoir des lapins, des faisans ou autre, je crois que tu peux griller aussi, hein. Ouais, n'empêche que ça marche bien, quoi, c'est tout ce que je peux dire. Mais on va pas parler du braconnage tout de suite. Non, mais de toute manière, le braconnage, ça rentre pas dans le truc, hein, d'accord? Ça rentre pas, bah tu mets un petit peu de pommade et c'est bon, ça rentre. Marc Assin. Ah, c'est pas moi qui dis ça, Gérard, c'est quelqu'un qui parle pas dessus moi. Ouais, non, mais je te préviens, commence pas à faire ton guignol parce que tout à l'heure... C'est un guet-apens de France Télécom. Oui, mais moi, je te dis, commence pas à faire ton rigolo, parce que sinon, tu vas dégager. Ok, pas de problème. Alors, comment organise-t-on une bonne pêche? Alors, excuse-moi. Bah, je réponds. Vas-y, excuse-moi. Donc, comment organise-t-on une bonne pêche? Donc, déjà, tu prépares tout ton matériel la veille. Par exemple, si tu vas le week-end, tu prépares ça le vendredi. C'est-à-dire, tu prépares tes appâts. Ouais. On n'a pas. Qu'est-ce que tu mets dans les appâts, Gérard? C'est plutôt asticot ou vers de terre? Tu peux prendre des vers de terre, des asticots. Par contre, tes vers de terre, j'ai remarqué une chose, ouais, c'est plus... Ça te rappelle la branlette, je sais, ouais. Qui c'est qui vient de dire ça? C'est encore Pedro. Ah, c'est Pedro, ça. Toujours Pedro. C'est Pedro. Dans, tu t'écrases, Pedro, mais... J'appelle des France Télécom. Ouais, ben, tu vas pas me casser les couilles longtemps, toi. D'accord. Vas-y, Gérard. Donc, pour organiser une bonne pêche, donc, t'achètes ton matériel là, bien avant. Déjà, l'ouverture de la... Tu peux préciser, parce que quand tu dis bien avant, c'est à peu près quand? De manière, tu peux l'acheter en début de semaine. Par contre, ce qui est pour les vers de terre et tout ça, faut les acheter à la dernière minute. Tu les achètes, par exemple, le vendredi. Pourquoi? Tu les achètes le vendredi parce que si tu les achètes avant, ils tiendront pas. Ah ouais, parce que les achètes toujours un mois avant et ça marche pas. Comment? Oui, Pietro ne pourra pas les manger. Gérard, tu peux pas les mettre au congélateur? Non. Mais Gérard, t'es obligé de les acheter, tu peux pas aller les chercher? Si, tu peux aller chercher les vers de terre. Parce que ouais, quand on va chercher, on va les chercher dans la boue, on se traîne dedans. Non, ouais. Non mais il y a un truc qui faut bien se dire, c'est que il y a certains trucs qu'il faut acheter chez les revendeurs de pêche, mais maintenant je crois que ça se fait moins souvent parce que maintenant je sais même pas s'il y a encore des magasins de pêche qui existent. Hein. Non, mais c'est chez les pêcheurs. Ouais, GG, de toute façon, oui. Les vers de terre, il faut le chasser, c'est tout. On reste mais non, on chasse pas les vers de terre, abruti. Bien sûr que si, moi j'ai un chien qui est dressé à aller dans les trous de vers de terre pour les ramener, je te dis que ça se chasse. Le vers de terre. Permettez-moi, monsieur Mazur, permettez-moi de confirmer, le vers de terre se chasse, bien entendu. Bon, monsieur Mazur, vous n'avez pas commencé à me casser les cacahuètes, parce que vous, si c'est pour me couper la parole sans arrêt, ça me sert à rien de vous avoir dans mes débats. D'accord? Gérard? Oui, c'est merci, il y a Père Fouras, il voudrait pêcher des idées chez son poissonnier, mais comment on fait s'il n'y a pas de bocal à la pêche chez son poissonnier? Ben alors là, je vois pas du tout sa question parce que... Dans la pub, ils disent pêcher des idées chez votre poissonnier. Et s'il n'y a pas de bocal à la pêche? Ben mais s'il n'y a pas de bocal à la pêche, ça sert à rien d'aller chez son poissonnier. Je vois pas du tout le rapport... Il va à l'étang. Ouais. Je vois pas du tout le rapport, hein. Enfin, s'il a plus de confirmation à me donner, ben ça serait bien. Il dit une mare, pêcher dans une mare. C'est con, les mecs de l'Internet. Grave. Hein. Dans une mare, de toute manière, dans une mare, t'as pas grand chose, hein. À part de l'eau, mais dans les mares, tu vas trouver des canards, hein. Il y a pas de poisson. Ça se pêche aussi, hein. Les canards, non, je crois pas, hein. T'as déjà vu un canard qui se fait pêcher, toi? Bah, on sait jamais. Un pêcheau, un canard qui se fait pêcheau. Ouais, ça arrive tout le temps. Ah ouais, les canards qui sont pêcheau, tu t'es déjà fait pêcheau, toi, dans une mare? Bah, non, je vais pas dans les mares. Non, bon, bah alors. Tu vas dans les baignoires et puis tu te fais pêcheau. Ouais, ça m'arrive, ouais. Ouais. Pêcher ou chasser, peut-il être une passion? On va demander à monsieur Mazur, comme il a... par contre, à la place de Petit Ferron, on a personne? Là, je cherche. Ah ouais, ça fait peur que vous cherchez au standard. Vas-y, chasse. Hein? Chasse l'auditeur. Tu cherches. Ouais. Chasse là. Chasse sur les bandes de ligne. Chasse. Monsieur Mazur. Alors écoutez, moi je pense que tout à fait, bien sûr, la pêche tout comme la chasse, a priori, peut être une passion. Moi-même j'ai une passion lorsque je vais poser par exemple une grosse pêche. J'adore ça. Pied d'un arbre. Bon, monsieur Mazur, oui. Un conseil que je vous donne, arrêtez de renifler et répondez comme il faut aux questions, sinon vous allez sortir. Oui, j'ai tout à fait répondu à votre question. Non, mais faut pas me prendre pour un con, d'accord? Alors, je vous préviens. Je m'en garderai bien. Comment? Je m'en garderai bien. Ouais, bah alors, vous retournez voir... Justement, il dit, je ne vais surtout pas l'insulter ou vous prendre pour un con, c'est ça qu'il veut dire. Ouais, non, mais moi, je préviens d'une chose, que si ça se passe mal, ça va gerber vite fait ce soir. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ouais, ben, déjà, vous allez commencer par répondre correctement aux questions, sinon, c'est pas la peine qu'on vous sélectionne, ok? C'est ce que alors, en de bon entendeur, salut. Monsieur Carabine. Carabine, pardon. Mademoiselle Carabine, s'il te plaît. Carabine, pourquoi? Moi, je c'est une passion pour ceux qui sont passionnés, mais personnellement, ça ne me passionne pas. Ouais, mais je veux... Mais dans quel sens que ça ne te passionne pas? Ça ne me passionne pas dans le sens où on tue des animaux, et ça ne me passionne pas du tout. Non, mais ça, faut bien dire une chose, que chasser ou pêcher, de manière, quand on pêche, automatiquement, le poisson, après, on le mange, donc on le tue. Mm-hmm. T'es bien d'accord avec moi? Ouais, parce que sur IRC, on demandait, peut-on pêcher sans tuer? Ah oui. Quand tu pêches, automatiquement, le poisson, quand il a pris l'hameçon, avec par exemple plasticaux ou autre. Ouais, mais tu peux le remettre à l'eau. Exactement. Oui, non, mais ça dépend quel poisson, parce que ça dépend comment tu enfonces l'hameçon dans sa bouche. Non, mais c'est-à-dire que pour... Bon, monsieur Major, pour l'instant, je ne m'adresse pas à vous. Monsieur Major, je ne m'adresse pas à vous. Bon, allez, hop. Là, tu me le vires celui-là. Allez, hop, terminé. Oh non, non, parce que là, prends la tête. Attends, c'est un mec qui s'y connaît, on va le garder. Non. Gérard, sinon, sur IRC, il y a Turpentinette. Ouais. Demande si t'as déjà pêché avec tes vers du cul. Alors, Turpentine, tu ferais mieux d'aller pêcher avec les vers de ta chatte. Au moins, comme ça, elle, je connais sa réaction. Je connais sa conclusion du débat. Le débat n'aura ni queue ni tête comme toi. Alors, je préfère la première tout de suite qu'elle aille chercher ses vers de terre dans son cul et qu'elle aille pêcher dans sa chatte. Voilà. Petit piège à loup. Oh, la chasse et la pêche, c'est une vraie passion, hein, évidemment. Mais il faut savoir déjà que les vrais pêcheurs, ils rejettent toujours le poisson. Non, pas tous. Hein. Si. Non. Ouais, faut dire une chose. Attends, parce que là, vous. Attends. Oui. Moi, je peux vous dire une chose que je suis pas trop. C'est vrai, il y en a qui les relâchent, mais ceux qui partent en mer pendant une journée ne les relâchent pas. Si. Non. Ça dépend. Non. Sur le bateau, ils les relâchent pas. Hein. Comment tu es désolé. T'es déjà allé en mer avec. Non. Parce que j'ai vu des reportages et tout ça. Tu vois pas mal de mouettes qui sont sur. Les mouettes. Bah oui. D'accord. C'est quoi le rapport avec les poissons? Eh ben, ils suivent le filet, espèce d'andouille. Mm-hmm. Qui c'est qui a pas répondu? Marc Cassin. Ouais, ben écoute, moi je pense que tout à fait, la chasse, la pêche, c'est une passion. Moi je dirais même plus, c'est un mode de vie. C'est carrément une philosophie, tu vois, c'est un peu comme quand toi tu dis, il faut être routier, il faut foncer. Mm-hmm. Et ben là, c'est pareil, si vous voulez être pêcheur, si vous voulez être chasseur, faut foncer, les mecs. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais, voilà, arrêtez de vouloir être genre ministre ou professeur ou tout ça. Non, chasseur, pêcheur, ça le fait, c'est tout. Non, mais faut dire une chose que la chasse et la pêche, c'est vrai que ça peut venir une passion. Parce que moi, je sais que j'aime bien pêcher. Ouais. Hein. Je resterai des heures et des heures jusqu'à temps que ça vienne, hein, que le poisson y morde. Hein. Ah, tu vois, la pêche, c'est vachement agréable. Faut pousser quand tu crottes. Bon, tu pêches quoi, Jean? Sur IRC, n'arrête pas de me dire que c'est le roi de la pêche au thon. Ouais, ils vont faire une illusion à 110, c'est ça? Je vais te taquiner. C'est toi qui fais. Non, c'est peut-être même pas, c'est toi. Non, je préfère prévenir que sur l'IRC, si vous voulez faire illusion à 110 ou à 110, ça ne sert à rien. D'accord? Donc, 110, c'est la baleine. Christine, c'est la baleine. Alors, toi? Non, toi, fais gaffe parce que Sandy. Je me suis trompé de prénom. Non, mais Sandy a ça dans la peau. Alors fais bien gaffe à ton matricule quand elle va te voir. Elle va te morfler, qu'elle m'a dit ce soir. Elle va te morfler. Alors fais bien gaffe. En tout cas, fais bien gaffe. T'es le roi des grosses prises quand même. Hein. Fais bien gaffe, Phil Dark. Donc. Gégé, avant, si tu pêches pas de thon, tu pêches quoi, toi? Moi, je pêche le gardon, la carpe, et puis le goujon. Et c'est des gros poissons, ça? C'est des petits les merdes, ouais. La carpe, j'ai vu un reportage tout à l'heure. Oh, celui qui fait le poisson, il arrête, merci. J'ai vu qu'un reportage là-dessus, le mec, il avait pêché la carpe, l'hameçon était bien enfoncé et il l'a relâché. Celui qui s'amuse à ça, arrête s'il vous plaît, merci. Gérard? Oui. Sur IRC, il y a Oxide qui te demande, est-ce que les végétariens peuvent manger du poisson à la viande de poulet? Alors, Mais oui, bien sûr. Alors, les végétariens, je sais pas s'ils mangent du poisson à la viande de poulet. Genre, pas de porc, en tout cas. Je sais qu'ils mangent pas de porc. Bon, n'importe. Bon, ça suffit, je vais passer au sondage, là. Oh! Je te taquinerais bien le goujon, quand même. Qui? C'est Pedro. Ouais, ben Pedro, tu vas te faire enculer. Tu commences pas à me faire chier, d'accord? Petit sondage, Gérard. Alors, petit sondage, pour ou contre la chasse ou la pêche, il y a 40% qui sont sûrs, 30% répondent non, 20% peuvent en parler, et 10% préfèrent continuer. Et d'après vous, qu'est-ce qui est plus difficile entre la chasse et la pêche? Alors, 42% des gens savent pourquoi, donc je vois pas du tout. Je sens que tout à l'heure, il y en a qui vont se prendre les baffes. Il y a 23% des gens qui ne peuvent pas le dire. 15% que n'en ont rien, n'ont aucune idée. Et 9% ont le droit de savoir quoi, j'en sais rien. Donc, troisième question. Quel chien peut-on avoir pour chasser? On va demander à Marc Assin. Ouais, bah écoute, je pense qu'on peut chasser avec tout type de chien. Je te conseille quand même le chien de chasse si tu veux ramener quelque chose. Hein. Ouais, non, mais voilà. C'est quoi comme ça chien dépend, ça dépend. Si tu chasses le rat, tu prends un ratier, par exemple. Sinon, je sais pas, si tu chasses à l'homme, tu prends un big bull, c'est tout. Un pic bull. Un pic bull, excuse-moi. Un pic bull. Non, mais je vais te dire une chose déjà, les pic bulls, ça m'étonnerait qu'ils soient autorisés pour chasser. Oui, t'as le droit de chasser avec un pic bull, sauf que si tu chasses avec ce clébard-là, t'as pas grand-chose à bouffer à la fin de ta chasse. Quoi, c'est tout. Tu bouffes le pic bull. Il y a des bruits d'animaux derrière. C'est la jungle, hein. Gérard, qu'est-ce que t'as fait? Ah, c'est la jungle. Qui c'est qui est dans un zoo, là? Non, mais c'est Pildar. T'es tapé de toi, j'ai raté ça. T'es tapé dessus encore. Pildar, fais gaffe quand même. Ça, c'est l'arche de Noé. Fais gaffe. Fais bien gaffe. Il y a même des gros perros. Parce que tu risques de te retrouver là-bas. Excuse-moi. Ouais, non, mais fais bien gaffe à toi, hein. Bon, Gérard, est-ce que tu peux aller avec un pic bull à la chasse, à la pêche? À la pêche, non. Parce que les pic bulls, ils vont pas dans l'eau, hein. Ils vont pas au fond de l'eau, hein. Tu prends un frotte terrier, ça le fait, hein. Petit piège à loup. Ouais, alors pour la chasse, quand tu vas à la chasse à l'ornithorynque ou au grizzly, souvent tu emportes un chien, genre de race, je sais pas, labrador libre ou alors, tu sais, les retrievers phallus, là. Je peux vous dire une chose, que les chiens de chasse sont des bulles terriers. Non. Des frottes terriers. Carabine. Oui. Oh, au coucher, Médor. Tu peux utiliser. Tu peux utiliser tous les chiens, en fait, si tu les dresses. Ouais, non, mais je te demande, quel chien peut-on avoir pour chasser? Je te dis, Oh là là. Il suffit que ton chien soit dressé, tu peux utiliser n'importe quel chien. Alors, regarde jamais la pêche là et la chasse la nuit sur TF1. C'est chien naturel, je t'appelle. Oui, excusez-moi. Non, je regarde pas ça. Bah, tu devrais regarder, des fois il y a des caniches, ils vont à la chasse aux pigeons, c'est assez rigolo quoi. Ils lancent les caniches en l'air et le caniche. Non, mais attends, ils lancent les caniches en l'air et ils leur tirent dessus. Oui. Mais carabine. C'est une chasse traditionnelle dans les Landes. Non, mais carabine. C'est ancestral, c'est une chasse traditionnelle dans les Landes. Carabine. Ça y est, tu vas me laisser parler ou quoi là? Mais t'explique. Non, mais moi je vais t'expliquer une chose. Je crois que c'est dans des rêves qu'on. Je crois que tu dois rêver qu'on s'amuse à lancer des chiens, mais on leur tire dessus. Mais on leur tire pas dessus. Voilà. Oh, qui c'est qui m'a choisi, ces auditeurs de merde là? La police. Ah, non, non, non. Marre-toi, toi. Mais non, mais attends, ils sont bien. Ouais, ils sont bien, ils sont même pas capables de répondre. Monsieur Mazur, il voulait répondre. Bon, bah lui, je crois que j'avais dit que c'était terminé pour lui. C'est parce que la moitié, ils sont chasseurs et ils ont leur chien avec eux. J'ai calmé Monsieur Mazur. Bon, alors Monsieur Mazur, pour finir la troisième question. Moi, je préconiserais l'épagneul breton, qui me semble un excellent chasseur. De toute manière, c'est ça comme chien qu'il faut pour chasser. Il y a également le berger hongrois. Non. Pardon? Non. Pourquoi? Non. Ça, c'est uniquement dans les prisons. Alors toi, Marcassin, tu dégages pour de bon. Au revoir. Pedro. Au revoir, Marcassin. C'est pas moi. Terminé. C'est pas Marcassin, c'était Pedro. Non, je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir. Terminé pour Marcassin. Voilà. C'est pas lui. Et enfin, je dirais le dog mexicain. C'est bizarre. Excellent parce que... chasseur. Non mais j'ai pas connaissance de ce chien-là. C'est un chien qui vit au Mexique et qui a pour spécificité, n'est-ce pas, de chasser les serpents là-bas. Ah, mais moi je pense que c'est plutôt l'épagneul breton qui... Au Mexique il y en a peu, mais l'épagneul breton est un très bon chasseur. Ouais, non mais je pense que c'est cela que les chasseurs utilisent régulièrement pour récupérer le gibier. Et en plus, permettez-moi d'ajouter en ce qui concerne l'épagneul breton, c'est qu'il ne pèse pas lourd et comme a dit la demoiselle tout à l'heure, on peut facilement le jeter dans l'air. Non, mais ça c'est... Pour attraper des canards. Ouais, mais... Non, mais ça, le canard, c'est une autre histoire. Mais il faut que le chien soit quand même tenu en laisse, hein, à préciser, ah ouais, pour pas qu'il s'envole. Non. Non, tu fais une grosse laisse. Non, non. Bon, oui, alors... C'est une longue laisse. Alors, la quatrième question, et après on va s'écouter une musique. Donc, je préviens d'entrer. J'ai obligé de le préciser au départ. C'est que je précise, je pose la question au départ, je la reprends dès que la musique est terminée, mais je ne le répète plus. Si vous n'avez pas compris la question, ce n'est pas de la peine de me dire, est-ce que tu peux répéter la question, parce que ça vous irez directement au standard. Alors, dans quel endroit se passe... Attends. Oui. Vas-y, c'est bon. Non, dis ce que tu voulais me dire. Non, je voulais juste que tu prennes un petit peu ton temps. Mais Tu peux me donner le chiffre avant la ZIC? Alors, avant la ZIC, la grande classe. On est déjà, oh là là, c'est beaucoup quand même, ça a monté d'un coup. On est 8765. Oh là là, 8765. Je salue au passage Alan Clark, Izen, Dan, Lampiote, Belge Boris, Seigneur, Perforas, Radzinski, Olaf Kuhl et les autres. Ok. Ben. Et les gens de Canal J. Bah, bien sûr. Et donc, qu'est-ce que je voulais. On s'écoute. Dire non, la question c'est dans quel endroit se passe la chasse aux escargots, et on va s'écouter le gibier surinois avec des poils sur l'anus. Et vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000 et toujours le 3615 Copen Radio rubrique direct et www.fr, et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, vous venez d'écouter le gibier de surinois avec des poils sur l'anus, et donc c'est la suite de la libre antenne, débat sur la chasse et la pêche. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000, l'IRC www.fr, Fun Radio, vous tapez, et toujours le 3615 rubrique direct. Et pour ça, donc la question c'est dans quel endroit se passe la chasse à court. La chasse aux escargots, et pour ça on va demander à Petit Pied Jaloux. Et on accueille, excuse-moi Petit Pied Jaloux, on accueille Serp en route 23 ans, Damien, la fréquence c'est 101.4 il paraît. Oui, bonsoir Gérard, tout à fait. Salut Damien, bonsoir Damien. Bonsoir l'équipe de Fun Radio. Voilà, bonsoir à toi, donc Petit Pied Jaloux pour toi. Oui, alors pour moi je pense qu'on chasse les escargots en Bourgogne. Mmh. Parce qu'on dit les escargots de Bourgogne. Non, mais tu peux préciser dans quel endroit se passe la chasse aux escargots. J'en ai marre de répéter les questions. Mais, fallait bien je les peux répondre. Mais les escargots de Bourgogne, tu peux très bien les. Non, mais c'est une région, la Bourgogne, c'est gentil. Oui, non, mais c'est. Je suis gentil. Attends, tu vas pas commencer à m'énerver parce que sinon tu vas dégager, toi. Oui, c'est ça. Mais attends, mais je réponds à tes questions et tu m'engueules. Alors je vois pas pourquoi. Non, mais c'est pas la peine de préciser la ville, d'accord. Mais c'est une région, c'est pas une ville. Ouais, ben peut-être. Ok, gamine. Celui qui s'amuse à dire ok, gamine, tu commences à te la fermer aussi, toi. C'est Polo. Ouais, ben, carabine. Oui, Gérard. N'importe où, en fait, je pense. Partout où il y a de l'eau, il y a de l'escargot. Quand il pleut, en principe, les escargots, c'est dans les bois qu'on va les chercher. Hein. Bah ouais, parce que tu les reconnais, ça mouille beaucoup, donc tu les sens. Ouais, ben, c'est comme vous, quand vous mouillez vos culottes. Ouais, j'irai pas jusque-là. Non, mais moi, jusque là, tu vois, si tu veux pas y aller, moi j'y vais. Bah, viens-y, alors. Ouais, non, mais moi, j'en ai rien à foutre, j'ai déjà mon casse-croûte à la maison. Et elle sent quand même, quand elle mouille. Non, quand elle mouille, elle sent pas, alors, Toi, je demande, je me renseigne. Tu te renseignes, tu prends mieux de te renseigner auprès de Bébéro. Monsieur Mazur. Oui, alors moi, j'apporterai à peu près la même réponse. Il faut bien entendu un endroit humide, hein, comme ce que vous venez de préciser. Cet endroit, monsieur Gérard, est parfaitement indiqué pour trouver des escargots et autres sortes d'animaux rampants et visqueux. Je parle des escargots, je ne parle pas des limaces ni autres. Ni de votre casse-croûte. Mon casse-croûte, il t'emmerde, monsieur Mazur. Ok, alors monsieur Mazur, tu retournes voir Fildaro Standard, parce que là, ça commence à bien faire. Mais qu'est-ce que tu dis Tu changes, tu prends quelqu'un d'autre, parce que j'en ai le bol. Il a mouillé, Mazur. Alors, hop, au revoir pour lui. Au revoir. Au revoir, bonne nuit. Serpent Rut. Oui, tout à fait, bonsoir. Moi, je pratique effectivement la chasse tous les week-ends, comme tu l'as bien précisé tout à l'heure. Et moi, je chasse ces escargots, en fait, à la Kalachnikov. Je mets une cagoule, je me balade à poil, je précise. Et je tire dans les coquilles et puis ça sort, je les rattrape avec une cuillère. Moi, je vais te dire une chose. Que, la chasse, dans quel endroit se passe la chasse aux escargots en la Corse, chasse... Moi, je la pratique en Corse. Oui, en Corse. Alors, je vais te dire une chose. Pour toi, c'est terminé aussi, ça t'apprendra. Ah ben non, mais au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Non, je ne veux pas le savoir. Non, au revoir, Gérard, au revoir. Hop, terminé pour lui. Comme ça, ah ben, ça va bien. Vite, hein, ce soir. Ouais. ce soir, ça va aller vite le débat sur la chasse et la pêche. Hein. Bah, on voit. Hein. Gérard, j'ai deux nouveaux auditeurs, donc sous t'as viré deux d'un seul coup là, j'étais en galère. Donc j'avais, il y a Boulette, 21 ans. De Paris, 101.9. Salut Boulette. Bonsoir Gérard. Salut. Et il y a Grosse Caisse, 18 ans de Bourges. Salut Grosse Caisse. Salut, c'est Grosse Caisse. Allô ouais. Ta fréquence, s'il te plaît. 98.6. Tu devrais arrêter la cigarette, Grosse Caisse. 98.6. Oh, ouais. Tu ferais mieux même d'arrêter de fumer le joint. Hein Remplace pas la gaffe, tu veux. De quoi? Ouais, ouais, de quoi prends-moi pour un con. Oh bah non, attends. Non, mais tu me prends pas pour un con, tu m'y laisses, c'est ça? Ah, si tu veux. Ouais, ben, d'accord. Donc, alors, pour toi, la question. Ouais, je t'écoute. Grosse caisse! Ouais, je t'écoute. Non, mais moi, je te demande de répondre à la question. Ah ouais, mais je viens d'arriver, j'étais avec Kinder au standard, j'ai pas entendu la question. La chasse aux escargots, c'est où, Grosse caisse? Ah ouais? Bah, c'est à côté des lacs. Ouais, bah, je pense que t'es en train de... Là, je crois que t'es en train de me prendre pour un con. Mais n'importe quoi, attends. Non, mais tu t'oserais pas. À côté des lacs, il y a des forêts. Je veux dire, tu te balades dans la forêt, tu trouves des escargots, c'est voilà. Mmh. C'est clair, on trouve partout. Ok. Bah, attends. Boulette. Oui, bah, au supermarché, rien en conserve. Dans quel endroit qu'on les chasse dans un supermarché et en boîte? Bah oui, mais... j'habite Paris, dans une ville, j'ai pas de forêt. Où veux-tu que j'aille les chasser? Attends, dans Paris, il n'y a pas de forêt. Tu connais bien les forêts, Gérard, de Paris. Non, ouais, mais... Tu connais que le bois de Boulogne, mais... Les grosses limaces au bois de Boulogne, ouais. Les grosses limaces, ça t'emmerde, toi, d'accord? Parce que c'est pas parce que t'as pas de limaces que tu dois nous faire chier, ok? Alors, fais bien gaffe à ce que tu dis, toi. Cinquième question. Peut-on faire la chasse toi, à l'homme? C'est vrai, il faudra peut-être que je réponde à la question. Dans quel endroit se passe la chasse aux escargots? Ben, dans la forêt. Ouais, mais dans la forêt, mais où, Gérard? De toute manière, tu peux, il y a plusieurs, dans Paris, le mec, s'il a une voiture, il peut aller très bien dans la forêt de Rambouillet ou autre. Ouais, mais où dans la forêt? Non, mais dans la forêt. Les gants! Dans la forêt, t'as la forêt de Rambouillet, t'as la forêt de Fontainebleau. Ouais, mais où? Est-ce qu'il y a des coins, genre là où il y a la mousse, là où c'est humide? Non, c'est vers les arbres. Sous les pierres, je sais pas moi. Non, sous les pierres, je pense pas, parce que sous les pierres, c'est... Ils meurent les escargots. Ah ouais, de toute façon, c'est pas quoi un escargot, tu le siffles, il arrive. Ouais, c'est ça. Ça dépend de ton nom. Et toi, si on t'appelle pot de chambre, tu sortiras sous la console? Ah, on peut essayer. C'est ça? Pot de chambre. Alors, peut-on faire la chasse à l'homme, femme ou autre? On va demander ça à Grosse Caisse. Ouais, moi je suis complètement d'accord pour faire la chasse plutôt à la femme, tu vois, parce que bon, bah l'homme, pas trop quoi. Ouais, mais non, mais tu peux préciser quand même? Ouais, bah c'est-à-dire que, si tu veux, on a tous remarqué que, bon, il y a une différence quoi, entre les hommes et les femmes. Mmh. Donc, il faut que ça s'imbrique parfaitement, si tu veux, l'un dans l'autre quoi. Donc, moi si je suis un homme, j'irais plus faire la chasse à la femme plutôt qu'à l'homme. D'accord. Une question IRC avant qu'on demande à Boulette sa réaction. Alors, c'est un peu compliqué parce que ça parle... Alors attends, il y a Belge Boris, il dit qu'il chasse les escargots dans sa baignoire. Il fait même des concours d'escargots. Le plus rapide du monde, c'est 5 jours 30 pour 100 mètres. Record olympique. Non mais c'est vrai que j'ai pas parce que la chasse et la pêche, on pourrait... merci derrière pour ceux qui parlent. Sur moi, j'aime pas trop. C'est quoi la chasse à la pêche, genre? Non, mais c'est vrai qu'il y a des concours d'escargots et je voudrais bien savoir s'il y a des gens qui ont déjà fait des concours d'escargots. Mm-hmm. Ça fait mange le plus. Justement, sur l'IRC, je sais plus qui c'est qui vient de dire ça, mais... C'est ceux qui mangent le plus, Gérard. C'était ça. Non, mais il y a des concours. T'as des concours d'escargots, c'est vrai que ça fait comme l'histoire de... Ceux qui mangent le plus de saucisses ou le plus grand nombre. Mais non, n'importe quoi là. Vous êtes en train de dire n'importe quoi là, derrière. Sinon, il y a Snooze sur l'IRC, il demande si quand t'es allé pêcher ou chasser en forêt, est-ce que tu as entendu le loup, le renard et la belette? Non, justement, non. Les loups, c'est quand même vague. Hein. Donc, Boulette. Oui, oh, j'ai pas d'avis. T'as pas d'avis? Non, mais j'ai pas bien compris la question. Ah non, mais alors, tu retournes voir Apolline ou Pildar, moi, je veux pas. Mais non, mais. Non, Gérard. Gérard. Boulette. L'homme ou la femme est une bête, donc nous ne pouvons pas la chasser. Oh là! Eh, Boulette! Oui. Ça commence à bien faire, je ne répète plus les questions, t'as bien compris? Bon, ok, je réponds. Alors, écoute, pour chasser l'homme ou la femme, le mieux c'est. Non, mais là, tu me prendrais pas pour un con, là? Jamais de la vie, Gérard. Alors pourquoi tu me dis je peux te répéter la question alors que tu es en train de me dire la réponse à la question? J'ai pas de répondre à côté. Ah ouais? Donc, non, mais je crois que ça va mal se terminer pour toi. Non. Ceci. Non. Ceci, je le sens. Bon, je le sens venir dans peu de temps. Non, je vais me calmer, respirer un coup et répondre clairement à tes questions. Ouais, ben, alors t'accouches. Mais je trouve que c'est peut-être une pas mauvaise idée. D'accord. Ok, avec toi, carabine. Moi, j'aime chasser l'homme. Tu peux préciser? L'homme plutôt bien monté. Précision. À cheval. Ouais. En forêt. Hein? C'est à cheval en forêt, tu rencontres pas mal d'hommes qui montent. Ouais. Et c'est surtout ceux-là en fait qui sont les plus intéressants à chasser. D'accord. Petit piège à loup pour terminer. Alors oui, je suis une grande spécialiste de la chasse à l'homme. J'ai dans ma gibecière de nombreuses prises. C'est clair. Et bien voilà, je donne des cours d'ailleurs et puis je donne aussi. Je donne des cours, mais je cherche en ce moment de nouvelles cibles. Moi, je peux vous dire une chose. Regarde à ta gauche. Peut-on faire la chasse à l'homme, femme ou autre? Moi, je préfère faire la chasse à la femme. Bon, c'est pour ça que je fais la chasse. Je fais la chasse au courrier. À lui. Et en fin de compte, j'ai récupéré ce que je voulais. Ouais, c'est tout ce que tu dis. Oh, ta gueule, toi. Bon, et Gérard, tu utilises quoi pour faire la chasse à l'homme ou à la femme? Ce que j'utilise, c'est, tu vois, c'est un stylo, un papier, et j'écris. Voilà. C'est pas comme toi, je m'amuse pas à faire la chasse. Par le standard, ou à mettre mes seins sur l'internet et à laisser son soutif traîner devant le standard. Voilà, franchement, Gérard, tu pourrais au moins mettre une de tes couilles sur internet, quoi. Ouais, et puis toi, tu ferais mieux de mettre ton cul aussi sur internet. De quel accessoire? Attends, j'ai un petit sondage avant. Gérard, parce que là, je sens que t'es énervé. Ah oui, sondage. Vas-y, fais-nous un petit sondage, s'il te plaît. Alors, la chasse et la pêche, c'est bien, mais peut-on faire mieux? Alors, il y a 45% des gens qui pensent que oui. Attention, Yassine, on me demande que tu répètes du début. Alors, la chasse et la pêche, c'est bien, mais peut-on faire mieux? Celui qui ronfle. Déjà, au standard, vous éteignez votre micro parce que j'en ai ras-le-bol. Alors, il y a 45% des gens qui pensent que oui. 33% des gens... Je pense que si ça continue, on mangera plus. Eh ben ça c'est vrai. De toute manière, faut bien avoir des poulets pour manger. 25% pensent que ça fait encore trop de viande. Ben ça, pour ceux qui aiment la viande, ben c'est bien. Et 10% aimeraient ne plus en avoir en parler. Alors là, je voudrais bien savoir qui c'est qui s'amuse à récupérer ça. Ne me dites pas que c'est Apolline, parce que c'est pour là. Ah, c'est Rigaud. Non, plus c'est pas Rigaud, c'est toi, Apolline. Alors tu ferais mieux de t'écraser, de trouver de la merde comme son âge. En de bon entendeur, salut pour toi, Apolline. Donc, sixième question. De quel accessoire disposez-vous pour pêcher ou chasser? On va demander un petit piège à loup. Pour pêcher ou chasser, moi je dispose de mes jambes, de ma gueule et de... Ah oui, on parle plus de la chasse à l'homme, là? Non, on parle de quel accessoire disposez-vous pour pêcher ou chasser? On parle plus de la chasse à l'homme. Ah, bon, de toute façon, moi je fais que ça, donc je sais pas trop. Je pense qu'on doit utiliser un fusil. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, une canne à pêche bien raide et bien tendue. Mmh. Et puis deux besaces bien, bien lourdes et... D'accord. Ok, et carabine? Moi, quand je chasse, j'utilise la jarretière. Et quand je me fais pécho, j'utilise la jarretière aussi. Tu peux préciser parce que j'arrive pas à comprendre là. La jarretière est un instrument élastique. Ouais, que tu mets sur toi quand tu te maries et qu'on doit défaire à la fin du mariage, c'est ça? Il s'adapte à toutes les situations. Ouais, c'est ça, d'accord. À part ça, tu seras pas une question du sexe. Gérard? Non, presque pas. Gérard? Un petit peu quand même. Oui, Rigo. Sur IRC, il y a Snous qui a une bonne question et on se la pose tous. C'est combien coûte un permis de chasse? Eh ben, voilà, la question, justement. Il y a justement ce que je voudrais savoir. Si tu veux savoir, on est là. Hein, on peut t'aider. Non, mais vous, au standard, vous faites votre boulot parce que si personne prend des. Toi, tu trouves un chasseur qui me donne le prix d'un permis de chasse, c'est ça? Je demande. Ouais, t'as quoi? T'as rien du tout, t'es même pas capable de prendre des lignes, alors arrête tes conneries. Grosse caisse, t'es un chasseur, toi? T'es un chasseur, toi, grosse caisse? Ouais, je suis un chasseur. Ouais, c'est ça, un chasseur de lapines, ça. Bah ouais. Ouais, c'est ça, t'as raison. Carabine. C'est des lapines que des raies entre nous. Oh, ta gueule, attends. Carabine. Je chasse lapine aussi, ouais. Ouais, d'accord. Toi, tu chasses plutôt le gland que la lapine parce que... Exact, j'ai chassé le gland sous les chênes dans les forêts. Ouais, c'est ça. Boulette. Oh bah écoute, moi, mon outil préféré, pour la pêche, hein, je parle de la pêche, c'est la mouche. Non, mais je te demande de quel accessoire? Ouais, bah de la mouche. Ouais, mais il y a la mouche. Ouais, c'est vrai qu'il y a la pêche à la mouche. Et... Ouais, c'est super pratique. En plus, les mouches, il y en a partout, quoi. Mmh. Donc, une bonne tapette, on en suit une bonne vingtaine. Tu vas avec un copain? Oui, bien sûr, une bonne grosse tapette. Mmh. Et on éclate les mouches, quoi. Puis on les roule entre les pouces, on fait des petites boulettes. Mmh. Et ça marche tout seul, quoi. D'accord. Grosse caisse pour finir. Ouais, bah moi, je dis pour la chasse comme pour la pêche, de toute façon, l'essentiel c'est d'avoir un très gros calibre. Ouais, c'est vrai. Elle est tout autour. Ouais, c'est ça. Alors, je veux dire, je crois. Là, pour l'instant, vous êtes en train de me foirer les débats. Hein, parce que vous n'êtes pas capable de répondre correctement à la question. Non, alors grosse caisse, tu la fermes. Mais non, attends, Tu la fermes. Il y a Rigo qui pose une question. Ouais, avec le micro, c'est mieux à peau. Ouais. C'est Jupiler, il demande, parce qu'il comprend pas très bien, quand il va aux chiottes, il tire la chasse, mais quand il va à la chasse, est-ce qu'il faut tirer les chiottes? Ben, en principe, tu tires la chasse. Tu tires la chasse quand tu vas aux chiottes, ouais. Une fois que t'as fait, tu tires la chasse. Ouais, mais quand tu vas à la chasse. Ben, tu vas à la chasse, je vois pas du tout le rapport avec la question. Qu'est-ce qu'il me pose comme question nulle, lui? Il demande s'il faut tirer les chiottes. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est complètement nul, sa question, lui. Donc, de quel accessoire disposez-vous pour pêcher ou chasser? De manière, normalement, vous disposez... Merde, est-ce que j'arrivais ou quoi, à 1h15. Donc, pour chasser, il vous faut un bon fusil avec des cartes... Avec des cartouches ta gueule, grosse caisse. Merci. Ouais, mais Gérard, tu peux chasser avec des pièges aussi. Ouais, mais ça s'appelle de la... Oh, du braconnage, Gérard. Ça s'appelle du braconnage et c'est interdit. Oh, ça va, vous arrêtez maintenant ou quoi? Alors, en tout cas, moi, je sais, j'ai eu une gastro, des chiasses, j'en ai eu. Hein. Bon, alors, grosse caisse, terminée, au revoir. Hop! Comme ça, tu iras perdre ta gastro en direct dans tes chiottes. Au revoir, pourquoi? Oh, c'est faux! Voilà. Pour pêcher, ben, il vous suffit d'avoir du bon matériel, donc faut mettre quand même le prix. Parce que du matériel de pêche, si je me trompe pas, moi je... Ça coûte 12 000 francs environ. Non, faut compter à peu près, avec le permis de pêche, qui est, pour l'année, ça coûte pas loin de 300 francs. Non, t'as rappelé celui de tout à l'heure. Pour 300 balles. C'est très expansif. Ah oui. Bizarre, t'as rappelé l'auditeur de tout à l'heure. Non mais c'est bon. Oh. De quoi? Non mais c'est bon, tu peux lui demander tout à l'heure. Non mais là j'appuie sur le bouton. Bon, en fait tu l'entends mais ça. J'appuie sur le. Non, je suis pas à l'antenne. Ça passe pas à l'antenne. Fildar, tu l'as rappelé ou pas? Putain, t'es bon. Fildar, tu l'as rappelé ou pas l'auditeur de tout à l'heure? Attends, j'ai qu'une petite là. Ah ok. Bah, vas-y, enchaîne Gérard là. Donc pour. Bon, Gérard, on était au prix de la carte de pêche. Donc faut compter à peu près 300 balles un permis de pêche. Pour un permis de chasse, de toute manière, je crois qu'à l'heure actuelle, maintenant, faudrait que je voie... C'est 112 000 francs à peu près, non? Non, pour avoir une licence, je sais plus quoi... Excuse-moi, à la place de Grosse Caisse qui est partie se coucher, on a comme Sanglier du Nord, 24 ans de Lille, fréquence 96.4 FM. Alors, 96, 4, et on a 4 sangliers. Du Nord, sanglier du Nord. Sanglier, bonsoir. Du Nord. Sanglier. Appelle-le par son nom, sanglier du Nord. Sanglier du Nord, tu travailles. Bonsoir, mon pote. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Oh, tu réponds maintenant, t'arrêtes de dire bonsoir parce que sinon tu vas dégager. Bonsoir à tout le Nord. Bonsoir à tous. Salut. Ouais, ben, sanglier, je crois que tu vas retourner voir celui qui t'a choisi. Est-ce que je pourrais répondre à la question après que tu me l'aies répété, s'il te plaît, Gérard? Non, je ne répète plus les questions. Je ne répète plus les questions. Ok, bon, Gérard. Tu prends comme matériel. Voilà, je vais improviser. Alors, déjà, une bonne paire de bottes. Parce que mais si, pour aller pêcher, Gérard, il faut des bottes. C'est bien. Attends, je te dis oui. Ah bon, d'accord. Ensuite, comme on disait tout à l'heure, une bonne gaule. Et puis ensuite, ce qui est vachement important, c'est le panier repas. Donc il faut un bon sauciflard. Ouais. Une grosse miche de pain. Petite bouteille de rouge quand même. Tu peux de toute manière. C'est... Bon, du rouge ou du pastaga, hein. Tu peux prendre du pastaga. Non, non, tu peux prendre ce que tu veux. C'est clair. Ouais. De quoi? Tu peux prendre les deux? Ah, tu peux prendre les deux? Bah ouais, c'était cool. Tu continues? Surtout si tu vas tout seul. Bon, tu continues? Après, il faut au moins un bon clacos bien fait. Mm-hmm. Et puis, un petit fruit en dessert, tranquille. Non, mais ça, de toute manière, c'est tout le matériel pour pêcher. Mm-hmm. Typo. Pour chasser, ça, c'est différent parce que c'est entre amis. Ouais, il faut du clébard déjà pour chasser. Non, mais ça, c'est entre amis. Mais même à la pêche, je pense que ce que tu as dit, normalement, si tu connais pas mal de monde. Ouais. Nous, on pêche entre potes, hein, c'est clair. Ouais, mais dans ces cas-là, vous partagez la bouffe. Ah, bah, c'est clair, on partage la bouffe. Il y en a un qui amène du rouge, l'autre il amène du blanc, et le troisième il amène du rosé, par exemple. Ouais, voilà. Donc, t'as pas besoin, tu peux vous cotiser. Voilà, il y en a un qui va faire les courses et tout ça. Mmh, ouais, c'est clair. Ouais, et en plus, entre amis, on peut aller aussi à la pêche à la moule. Ouais, c'est ça. Ok. Avant de poser la septième question, je vais faire, d'après vous, un petit sondage là. Je vais faire les deux derniers, puis comme ça, on en parlera plus sur cette histoire-là. Pilar, j'ai froid aux mains. T'as froid aux mains, donc c'est ton micro et t'arrêtes un peu parce que tu commences à me gonfler là ce soir. Alors, les deux derniers sondages, d'après vous, péché et est-ce un péché? C'est un délit, ouais. Alors, 34% pensent que le pape a tort. Ça c'est signé du fil d'art pour me sortir des saloperies. Mais non, mais c'est vrai, il a tort, ce vieille croûte. Ouais, mais tais-toi, toi. 31% sont membres du temple de la péniche. Non, mais ça vient ces conneries pour lui. Du péniche. 24% pensent que c'est un péché de gueuler dans vos oreilles. Alors là, Pildar, tu vois, je vais te dire une chose, que t'es vraiment un con. Il a pas tort quand même. Hein. Il est vraiment con. Alors toi, si t'es pas contente, ma petite, tu dégages, d'accord? Hein? Parce que si vous n'êtes pas capable de répondre correctement aux questions, moi je vous emmerde. Moi je vais te dire une chose, que des connes comme celle que je viens d'entendre qui a dit que c'est pas, il a pas tort, moi je t'emmerde. Okay. Gérard, pour calmer le débat, bien c'est bien d'applaudir Manu. Bravo Manu, bien. Il y a que Manu qui applaudit. Sur IRC, il y a Roadrunner, pour calmer le débat, il dit que tu es à la radio, c'est que le poisson est à la pêche. Ouais. Ben, ouais, si on veut. Si on veut. Donc, qu'aimeriez-vous... Et sinon, il y a Yankee qui dit que tu es à la radio, c'est que la bite est à une gouine. Voilà, je réponds même pas sur une question pourrie. Manu, s'il te plaît, au lieu de te marrer comme un roux, je crois que j'annonce le Minitel, mais il faudra peut-être savoir s'il y a des questions. Il n'y a pas de problème, Gérard, regarde, je te montre. Pas de problème. Voir le Minitel, je suis sûr qu'il fonctionne pas. Ah bah d'accord. C'est pas mal. Il est cassé. Attends. Alors, qu'aimez-vous à la place? Alors, 54% veulent des grosses suceuses. Oh oui. Ça, c'est pour Manu. C'est pour Fildar, ça s'adresse. Et ta sœur. Ma sœur, elle t'emmerde, d'accord. Alors, tu es premier de t'occuper de ta sœur. 21%. Ta gueule. T'as enculé, connard. Ça vient direct du 9-4, ça. 21. Celui qui vient de dire le 9-4, t'emmerde. T'allais me faire enculer dans le 9-4. Ouais. Peut-être déjà pas enculé dans Grenoble. Jamais dans le 9-4. Alors, je vais ça te dire. Peut t'arranger, ça. Alors, faites-moi confiance. Ou vous répondez correctement aux questions. Et ça va bien se terminer. Ou sinon, je vous herbe tous. Bien sûr, d'accord. Ferme ta gueule. La tienne. Alors, je passe pas celui-là. C'est où ma biche? 16% pensent que. C'était bon. Pense que tant que ça rentre, il faut y aller. Alors ça, donc ça c'est terminé. Allez-y, foncez. Ouais. N'hésitez pas. Ça c'est bien, ça c'est bon, signé du. Ta gueule quoi. La fiche là. Je viens de te la donner, c'est bon, disque 2. Ah non, c'est ça, pardon. Excuse-moi, ouais, merci. Excuse-moi la biche. Donc, alors, y a-t-il des concours de pêche ou de chasse? On se retrouve après avec les gretons du bois, avec des harengs dans le slip. Et on se retrouve tout de suite après au 0800.0800.000 et toujours le 3615 Scott Fun Radio, rubrique direct et www.fr. Et pas d'insulte de Gérard. Et voilà, vous êtes toujours sur Fun Radio, il est exactement 1h25. Yes. Vous venez d'écouter les gretons du bois avec des harengs dans le slip. Et donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0800.0800.000. Il y a Fildar et Apolline qui vous attendent. Fildar, t'es payé de faire ton boulot correctement, sinon tu vires. Quoi? Le studio. Je dis pas le Libération. S'il te plaît, merci. Et toujours www.fr. C'est Rigo qui vous attend. Wesh. Et toujours Manu. Ouais. Manu à l'aria. Qui est comme moi la zic. Donc, la question avant qu'on accueille tout le monde, c'était y a-t-il des concours de pêche ou de chasse? Et pour ça, on accueille Petit Piège à Loup. Oui, c'est moi. Ben alors, y a-t-il des concours? À mon avis, il y a des concours, ouais. Je sais pas où ça se passe, hein, par contre. À mon avis, la chasse, le concours de chasse se passe dans une forêt. Hein, et le concours de pêche près d'une mare ou de la mer. Hein. De toute manière, je pense que les concours de chasse et de pêche, la chasse, ça se passe. Je sais pas s'il y a des concours de chasse, mais je pense qu'il y a plus de concours de pêche. Il y a plus de concours de pêche que de chasse en principe. Carabine, concours de chasse. Il y a des concours, mais par contre, je sais pas ce qui gagne. Ce qui gagne, c'est des coupes, hein. Ça fait comme des concours de comme des Manu. Ouais, non mais Manu, il a bien gagné une coupe. Il a gagné une coupe sur. C'est bon. Avec l'histoire de. Une coupe sur je sais plus quoi là. Comme voilà, Tekken 3. Voilà. Ah, mais c'est parce que j'étais pas là, c'est pour ça. Boulette. Écoute, moi je sais pas s'il y a des concours de chasse, mais en tout cas il y a beaucoup de concours de pêche, surtout la ligne. Tu peux préciser? Il y a des concours de pêche à la ligne dans les foires où il y a des manèges, beaucoup de choses comme ça. D'accord. Je pense que les autres seront d'accord avec moi. Ouais, mais de toute manière, c'est vrai qu'il y a pas mal. C'est vrai que des concours de chasse, j'en ai pas encore vu beaucoup. Un peu de chasse à court, mais très peu. Non, mais je pense qu'il y a plus de concours de pêche pour gagner des. Des petits lots. Non, mais ça peut être. Non, ça peut être de l'argent, ça peut être ou autre, du matériel de pêche, tout ce qu'on voudra. Sanglier du Nord, pour terminer. Oui, tout à fait. Moi, je voudrais que tu me précises un petit peu en quoi ils consistent, les concours. Parce que tu parles de concours, mais on ne sait pas ce qu'il faut faire le concours. Est-ce que c'est celui qui lance le poisson le plus loin ou quoi, je veux dire Non, mais attends, Ce genre de concours. Non, mais attends, t'es pas en train de me prendre pour un con, tu veux pas... Je veux savoir, c'est celui qui pêche le plus gros poisson, c'est celui qui pêche le plus de petits poissons, c'est quoi? Les concours de pêche, c'est celui qui en met plus dans sa bourriche. Dans sa bourriche? Non mais attends, au bout d'un moment, si t'en mets trop dans ta bourriche, ça saigne et tout, je veux dire, faut y aller. Et ta connerie, elle saigne pas? Non mais attends, GG, ta connerie, elle saigne pas? Ta bourriche, elle déborde au bout d'un moment. Et alors? Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu la décharges, après attends. Tu recommences? Tu la décharges comme tu fais sur une imprimante. Il y en a une tout à l'heure, je vais la décharger. Oh là. Ça va être entre Carabine ou piège à loup, je vais vous décharger au standard. Ah oh bah décharge carabine. Ouais, parce que je commence à en avoir ras-le-bol depuis tout à l'heure de ces deux-là. Pourquoi moi? Bah parce qu'on décharge. Non, mais moi je ne vais pas chercher midi à 14h. Bon, je vais bien faire décharger par Sanglier du Nord alors. C'est qui? Haïti. Bah attends, je vais lui mettre une cartouche. Alors, carabine. Carabine, c'est une cartouche direct. Au revoir, carabine. Ah bah non, elle est gentille, carabine. Au revoir. Attends, j'allais lui mettre une cartouche. Ouais, ben, toi, sanglier, ça va être pareil, tu vas aller faire une cartouche au standard. Non, non, je suis calme, tranquille. Donc, Elle est là, alors, Bruce Poole. Y a-t-il... moi, je vais répondre. Ben, de toute manière, j'ai répondu comme tout le monde m'a demandé. Donc, c'est vrai qu'il y a plus de concours de pêche que de chasse, parce que je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'ai jamais vu de concours de chasse encore. Ouais, c'est pas mais normal. Mais t'as déjà fait des concours de pêche ? Oui, j'en ai déjà fait. Et je me suis retrouvé troisième. Troisième avec ben sur comme 3. Matos. Non, sur 50. Mais t'as pêché quoi ? De tout. Poisson pané ? Non, non, il y avait de tout et je me suis retrouvé avec du bon matos de pêche. Ça fait combien de temps ? Ça fait un bout de temps. Mais hein. Je me suis retrouvé avec du bon matos pour finir. Je préciserai pas les marques. T'as fumé, non ? Non, non. C'est toi qui fumes, alors ferme ta gueule. Et on peut fumer pendant les concours ? Ouais, bien sûr, t'as le droit de fumer. Ouais, mais t'es dopé alors quand tu pêches, toi ? Non. Oh, le... Alors, combien ? Je m'appelle Suzy, je fais 200 kilos et j'aimerais bien que tu me prennes le cul. Moi je t'emmerde toi connasse. Gérard, à la place de calibre on accueille cartouche, à la place de cartouche on accueille gros calibre. 19 ans de bon. Non mais alors mais c'est un mec, c'est pas... Non mais attends. Il y a jamais eu de cartouche. Mais si on vient de la virer. Ouais, non, c'est carabine, espèce de carabine, excuse-moi. Ouais. Et on la paye ? On accueille gros calibre. Gros calibre. Salut Gérard. Salut. Alors tu peux répondre à la question ? Ouais. Tu peux me la reposer ? Non. Bah, les concours. Je viens d'arriver, j'ai galéré pendant une heure pour vous appeler. Non, mais moi, je veux pas le savoir. Quand tu téléphones, t'as très bien la radio à côté de toi, donc tu peux très bien écouter. Les concours, vas-y mon pote. Ok, bah moi je fais des concours aussi de pêche, hein. Je suis spécialiste, je suis pêcheur d'ailleurs. Mmh. Je suis spécialiste dans la grosse baleine à poil. Hein. Et cette année j'en ai pêché au moins une dizaine quoi et d'ailleurs je les vends si y en a qui sont intéressés. On parle pas du Moby Dick Mystère. Non, Mnitz de la Sandy. Non, surtout pas. Ouais. Alors je préviens, c'est la dernière question, comme ça vous me ferez pêcher avec Sandy. Dernière question, combien de temps faut-il pour pêcher ou chasser ? Hop, dernière question. De quoi ? Répète. Allô ? Oh là là. Bon, ouais. Vas-y. Combien de temps faut-il pour pêcher ou chasser ? Ok. Fun ? Oui, fun, bonsoir, t'es au standard, tu veux parler de quoi ? Ouais, je voudrais passer une dédie fun au mec qui parle à la radio. Ouais, y a pas de problème, t'attends, Morgane va arriver. Ok. Oui, allô, fun, bonsoir ? Ouais, salut, je voudrais parler au doc. Ouais, le doc, tu quittes pas, il va te prendre dans deux secondes. Non, mais c'est que j'ai un problème, la levrette, y arrive pas, quoi. La levrette, y arrive pas, bon, allons. Alors, maintenant, vous me faites... Je voulais vous me faites chier ! Y a pas de problème, on va prendre... Gérard, je peux vendre un kit ? Les kits, attends, bouge pas, je regarde. Ah non, on en a plus. Des capotes, putain, calmez-vous. Ah, tu fais ton boulot. Calmez-vous. Photo de GG avec. Ah ouais, je veux bien, ouais, mais sans. Ah là, c'est bon. Voilà. Dernière question, de toute manière, c'est la conclusion. Non. Manu, déconne pas, s'il te plaît. Merci. C'est la dernière question. Combien de temps faut-il pour chasser ou pêcher ? Sanglier du Nord. Je t'écoute. Oui, ça dépend de la quantité que tu veux chasser ou pêcher. Si c'est pour prendre 3 brins de friture, il faut 3 minutes. Ouais, c'est clair. C'est clair. Si tu veux pêcher, je sais pas, moins 20 kilos de gardon, il va te falloir plusieurs jours. Mm. Je pense que c'est un problème mathématique simple que même toi, tu pourrais résoudre. Ah ouais. Mais je constate qu'apparemment, non. Ok. Voilà. Boulette. Oh boulette une fois, boulette deux fois, boulette trois fois, au revoir. Non, mais j'étais débarqué. Attends, mais merde. Excuse-moi. Vous commencez à me casser le couille au standard, là, tous les deux. Non, en fait, j'étais en train de boire un petit coup d'eau. Mais merde. Pour fermer la boulette. Pour répondre, combien de temps faut-il pour pêcher ou pour chasser ? Je pense que c'est suivant la personne, quoi. Il y en a qui pêchent très vite, il y en a qui tirent très très vite, très très rapidement, il y en a qui tirent beaucoup moins rapidement. Ça, c'est un peu une question. Il vaut mieux quand même prendre son temps. Hein, si oui, mais pas toujours. Remarque, c'est vrai que quand on tire doucement, c'est vrai qu'on a la sensation de la chasse, du tirage, c'est vrai que quelquefois un petit coup rapide, comme ça, à la carabine, un petit tir, ça petit piège à loup. Oui, donc moi ce que je pense c'est que tout dépend de la proie en fait, hein. Ça dépend, puis on peut utiliser divers moyens en fait pour arriver à ses fins, donc tout dépend, il y en a qui se basent sur l'astrologie, il y en a d'autres qui ont même le temps de prendre des cappuccinos avant d'attraper ce qu'ils veulent quoi, mais en fait tout dépend, donc je sais pas, on peut pas vraiment dire le temps, je pense que c'est entre Ah, quelques minutes et puis pas mal d'heures aussi, ouais. Gros calibre. Oui. Moi je pêche ça en 30 minutes. Et il faut beaucoup d'adresse, ça c'est clair. Et surtout quand tu pêches les grosses baleines poilues. À poilues. Poilu. Mais alors comment tu fais pour pêcher des baleines à poil? Bah en fait j'ai une canne à pêche spéciale que j'ai achetée dans un bon petit magasin. Parce que ça doit être adapté aux baleines en fait. Ouais voilà, puis je mets un gros appât devant pour les choper quoi. Mm-hmm. Ouais, avec quoi tu les appâtes? Je n'aurais pas la marque. Non mais qui c'est qui est derrière là? Petit piège à loup, t'as du monde? Ouais, y a du monde. Il y a du monde derrière. Faudrait peut-être pas me prendre pour un con, d'accord? Non, mais pas du tout. Non. Faudrait peut-être pas prendre son anse pour une tasse à café, hein. Donc combien de temps faut-il pour pêcher ou chasser? Donc en principe, déjà pour pêcher, tu pars le matin de bonne heure. Mmh. Et pour chasser, c'est pareil. Mais sauf non, que... Mais non! Donc toi, tu commences à me casser les couilles. Fildar, c'est la dernière fois que je te le dis. Ce soir, tu m'as fait de la merde. Bon, Gérard. Pour calmer le débat, il y a Guépi sur l'IRC, il te demande quels seront les thèmes des débats la semaine prochaine. Alors lui, pour l'instant, j'y réponds pas parce que j'en sais rien. D'accord. Alors, qu'il commence pas à me demander les thèmes de débat de la semaine prochaine parce que je ne sais pas ce que ça sera. Alors, Jean. Quoi? Ferme ta gueule. Alors, on va faire la conclusion, comme ça, ça sera vite fait, bien fait. Mais non. Alors, conclusion, gros calibre. Oui, conclusion, débat fort intéressant, même si j'ai participé qu'à la fin. Et je salue tous mes potes. Ouais, ben c'est bien. Megan, Tony, Goldo. C'est ça. Au revoir. Petit piège à loup. Ouais, bah alors débat de merde. Alors dans ce cas-là, si c'est un débat de merde, moi je t'emmerde. Alors au revoir aussi, pour ta conclusion. Ouais. Merci pour ta conclusion. Boulette. Oui, donc alors la conclusion, donc c'était sûrement un débat très intéressant, pas assez approfondi à mon avis à cause de toi, parce que tu nous as pas assez posé de très bonnes questions, mais enfin bon, c'est pas très grave. Je pense qu'on pourra ressortir du débat ce qui ressort très profondément quand même, c'est que la chasse et la pêche, c'est une occupation comme une autre. Je pense que tu es d'accord avec moi. Oui. Oui, donc chacun fait un peu ce qu'il veut. Et puis voilà, donc c'est vrai que tu nous as donné beaucoup d'informations, que tu es un peu notre maître à penser quand même juste après Love Amour. Donc c'est vrai que tu es intéressant, donc voilà, c'est tout. Ok, Sanglier du Nord pour terminer. Ouais, bah écoute, débat bien. Moi je trouve que c'est bien que tu aies fait un débat sur la chasse et sur la pêche, parce que c'est vrai que tu t'y connais quand même en gros gibier faisandé. C'est vrai quand même que tu sens un peu le poisson. D'ailleurs, je voulais te dire à ce sujet-là, à propos de la pêche, les asticots, c'est pas pour toi, hein, c'est les poissons qui doivent les bouffer. Moi, je t'emmerde, d'accord. Je suis pas un asticot, alors je t'emmerde, sanglier. Au revoir. Il y a une bonne petite cartouche dans le derrière, quand même. Ouais, bah moi, je t'emmerde. Ok, en de bon entendeur, salut. Ciao. Conclusion sur l'IRC. Alors, il y a plein de conclusions. Déjà, il y a la conclusion de Turpent. Ouais, t'as ni queue ni tête. Manu, s'il te plaît. Tu recommences pas, voilà. Tu t'amuses pas, à couper Rigaud quand je demande des conclusions, s'il te plaît. Donc, okay. Comme j'ai été coupé, conclusion de Turpentine. Mon débat n'avait ni queue ni tête comme moi, c'est ça? Voilà, donc, exactement. Moi, je m'emmerde. Donc, je la dis pas. Voilà. Et enfin, il y en a plein. Il y a Snooze qui dit qui va à la chasse perd sa place, c'est bien connu. Et ouais, bah ça. Et à la pêche. Et il y a Perforas qui dit ma conclusion, please. Voilà. Ok. Ben moi, conclusion de ce débat-là, grâce à Fildar, ça a été un peu le bordel, comme d'habitude. Je vais pas mettre ça sur le dos d'Apolline. Merci pour le l'arsène que j'ai dans les oreilles, c'est incroyable. Donc, je vais pas mettre ça sur le dos d'Apolline parce que c'est Fildar qui est... C'est trop lourd en plus.